Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire derrière le cliché, celui de la tondue de Chartres, du photographe Robert Capa le 16 août 1944. Tentons une expérience. Au moment où vous écoutez cette émission, en direct ou en podcast, peu importe, prenez votre ordinateur ou votre téléphone portable, tapez sur Google la tondue de Chartres. Voilà, un clic et vous tombez sur ce qui est sans doute l'une des photos les plus connues de la Libération, l'une des plus dramatiques également. Voilà, vous y êtes, vous voyez une femme tondue, le front marqué au fer rouge, un nourrisson dans les bras qui s'avance dans les rues de Chartres, escorté par une foule hilare et vengeresse. Publié pour la première fois dans le magazine Life, ce cliché deviendra peu à peu le symbole de ce qu'on appellera l'épuration sauvage, un temps où se sont croisés, à une allure folle, résistance et collabos, euphorie collective et vindicte populaire. Parmi les victimes de ce chaos invraisemblable, des femmes soupçonnées de collaboration avec l'ennemi et, pour moitié d'entre elles, de relations sexuelles avec un Allemand. Alors on les frappe, on leur arrache leurs vêtements, on leur accroche des pancartes, poule à boche. On les viole parfois, on les tond souvent, et on les laisse, le crâne ras, dans la honte, les insultes et les crachats. La tondue de Chartres fut l'une d'entre elles. Mais si le célébrissime cliché de Robert Capa nous révèle une certaine vérité sur ce moment historique, il ne nous dit pas tout. Qui est cette femme que vous voyez là au centre du cadre? Derrière le symbole, quelle est son histoire? Que lui reproche-t-on exactement? Notre invité aujourd'hui, Fabrice Virgili, historien et directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de La France virile, des femmes tondues à la libération, livre paru en 2000 aux éditions Payot. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INLA, récit documentaire Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ici, Lan. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Lundi 5 juin 1944, 21h15. Les premières notes de la 5e symphonie de Beethoven résonnent sur les ondes de Radio Londres. 4 coups de timbales, 3 brefs et un long, la lettre V en code morse, le V de la victoire. Le speaker reprend alors un poème de Paul Verlaine. 2 vers pour annoncer le débarquement imminent des Alliés en Normandie. Demain débutera l'opération Overlord, premier pas vers la libération de l'Europe écrasée depuis 4 ans sous le joug nazi. Juin 1944. À l'aube du jour J, une armada de 7000 navires et plus de 10000 avions envahissent les côtes normandes. Quelques minutes plus tard, les premiers soldats touchent le sable. Ils sont 150 000 Américains, Britanniques ou Canadiens pour la plupart. Parmi eux, un photojournaliste, un seul, Robert Capa, 30 ans, aventurier flambeur et sans peur, génie mégalo, une star déjà. Sa réputation, il la doit surtout au célébrissime cliché qu'il a réalisé pendant la guerre d'Espagne, mort d'un républicain. Depuis, Capa, l'immigré hongrois, parcourt le monde et ses conflits jusqu'à Omaha Beach, ce 6 juin 1944. Les 11 photos en noir et blanc qu'il en rapporte deviendront la référence, le témoignage majeur du jour le plus long. Une fois débarqué, l'objectif principal des troupes alliées est de foncer sur Paris. Alors elles avancent comme un rouleau compresseur sur les routes normandes. Après ces longues années d'occupation, de souffrance et de privation, un vent de liberté souffle sur le bocage. Comme en témoigne Paul Lefebvre, journaliste de la BBC, le 24 juin 1944. Depuis 4 ans avec mes camarades de la radio de Londres, nous vous avons parlé d'Angleterre. Aujourd'hui, je vous parle du sol normand. Déchiré par la guerre, mais partiellement libéré. Libéré de la présence du Boche. Partout des sourires vers les camions, les tanks qui roulent sans cesse des plages vers l'intérieur. Des petits garçons grimpent sur les motos, demandent gentiment du chocolat, du vrai, se parent des insignes régimentaires que leur donnent les soldats anglais. Robert Capa, seul photojournaliste présent à l'heure H du jour J, est désormais rejoint par une foule de cinéastes, photographes, journalistes. Chaque bataille, chaque combat, chaque chewing-gum distribué est ainsi relaté dans Life Magazine, le grand album de la planète. Capa, lui, suit le mouvement des troupes d'élite du général Patton à travers une France meurtrie en proie de profondes divisions. Dans les villes libérées, les Américains entrent en contact avec les résistants locaux de la première comme de la dernière heure. On achetait alors des brassards FFI pour quelques pièces. Tous laissent exploser leur joie, mais aussi les rancœurs accumulées. C'est l'heure des règlements de compte, le début de l'épuration dite sauvage. Partout, la chasse aux collabos commence. S'il s'agit d'un homme, dans la plupart des cas, il est fusillé sans autre forme de procès. Certains sont torturés ou battus à mort. Justice et vengeance se confondent, comme l'explique en 2004 l'historien Jérôme Cotillon, interrogé sur France Inter. La gamme des raisons, évidemment, qui ont conduit à ce genre de vindicte est extrêmement large. Elles vont, si vous voulez, des raisons les plus politiques aux raisons, effectivement, les plus instinctives, les plus grégaires. Et de ce point de vue, on peut chiffrer, tous les historiens sont à peu près d'accord, à 10 000 personnes, le nombre de victimes physiques qui ont payé de leur vie de cette espèce d'épuration sauvage. Aux femmes, on réserve un autre traitement, et tout particulièrement à celles qui sont soupçonnées de la collaboration horizontale. Pendant la guerre, elles ont fricoté avec l'envahisseur, couché avec un boche, porté l'enfant d'un nazi. Par amour, conviction ou nécessité, peu importe, elles sont coupables de l'ultime infamie à avoir trahi la nation en donnant leur corps. Leurs procès sont expéditifs, le châtiment spectaculaire, insultes, coups, mise à nu. Certaines subissent aussi un autre supplice, plus ambigu, la tonte de leurs cheveux en public. L'événement prend alors des allures de rituel, à l'image d'une cérémonie expiatoire. Une fois tondues, les femmes sont regroupées, exhibées devant la foule, le corps souvent dénudé, marqué d'une croix gammée, parfois au fer rouge, comme des bêtes. Puis elles sont juchées sur des bennes à camions, estampillées poules à boches ou chars de collaboratrices, avant d'être trimballées dans les rues des villes et des villages. Parce qu'il faut qu'elles soient vues, montrées aussi laides que possible. C'est finalement par leur beauté qu'elles auraient trahi. Et partout l'ambiance est festive, oui, l'hystérie collective, sourire aux lèvres, les insultes fusent, et avec elles toutes sortes de projectiles. Les braves gens semblent alors trouver dans cette macabre mise en scène l'exutoire idéal de leur propre lâcheté durant les années noires, à leur frustration aussi, comme en témoigne Mandoline, tondue à la Libération dans l'émission « Là-bas si j'y suis » diffusée sur France Inter en 2002. Et la fille du bordel lui avait dit « Pauvre con, dans une famille il faut tout, que tu nous emmerdes, hein, pauvre connard, tu sais pas que dans une famille il y a toujours un canard boiteux ?» Tu voudrais bien te l'envoyer, hein, le petit canard boiteux, là, mais il n'est pas pour ton cul. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez ce boche? Il l'avait en velours. Alors moi, je disais rien. La prostituée disait oui, et c'est la première fois qu'elle envoyait une en velours. Elle serait 20 000 dans toute la France à avoir été tondue entre 1943 et 1946, un chiffre, cela dit, difficile à vérifier. Mais contrairement à ce que l'on croit souvent, plus de la moitié d'entre elles ne le furent pas pour avoir couché avec l'ennemi, mais pour d'autres formes de collaboration administrative, économique, militaire. À l'égal des hommes, elles peuvent être ensuite condamnées, emprisonnées ou fusillées. La tonte est donc un châtiment en plus, réservé aux femmes, parce que femmes. Et observer les regards qui tentent d'échapper à l'objectif, on comprend qu'à l'humiliation de la tonte s'ajoute celle d'être filmée ou photographiée. Évidemment, il s'agit aussi d'immortaliser l'événement. L'histoire vient de basculer, il faut la fixer sur la pellicule. L'un de ces clichés fera le tour du monde, jusqu'à devenir l'image symbole des lendemains qui déchantent. Son auteur, Robert Capa, l'Éternel. « 16 août 1944. Deux mois après le débarquement de Normandie, la route de Paris est enfin dégagée. La 3e armée américaine du général Patton passe par Chartres. Dès l'aube, les premiers chars arrivent au port de la ville, encore tenus par les Allemands. Et l'artillerie se déchaîne. Les résistants chartrains, eux, sortent de la clandestinité et forment une petite unité combattante pour aller cueillir à leur domicile une trentaine de collabos. Ceux-ci sont traînés jusqu'à la préfecture, occupée depuis la veille par la résistance. À l'abri des regards, trois collabos sont liquidés sur le champ d'une balle dans la tête. 11 femmes sont amenées dans une arrière-cour où l'on fait venir le coiffeur de la prison. Plusieurs d'entre elles sont tondues. Comme Yvonne, 36 ans à l'époque, dont le témoignage est relaté dans le livre « La tondue 1944-1947 » des historiens Philippe Frétinier et Gérard Leray. J'étais sur le pas de la porte de la maison de mes parents lorsqu'un agent de police s'est jeté sur moi avec un grand revolver. Il m'a prise par le bras et m'a amenée à la préfecture. J'ai été complètement rasée, sans explication. Je voulais me suicider, je me suis dit « je vais perdre mon emploi, mon mari va divorcer, je vais être la honte dans toute la ville ». J'avais de la haine. Si j'avais pu les tuer, je l'aurais fait. Vers 11h du matin, le photojournaliste Robert Capa, accompagné de Ralph Morse, 27 ans, plus jeune reporter qu'on voit le conflit, pénètre dans le centre-ville, à l'arrière des véhicules blindés. Alors qu'une série de coups de feu éclate dans leur direction, les deux reporters ont déjà sorti leur appareil et commencent à mitrailler. Ils immortalisent ensemble le dernier combat de Chartres qui oppose GI, résistants locaux et snipers allemands. Soudain, Ralph Morse aperçoit une jeune femme accompagnée d'un résistant armé qui traverse la rue sous les tirs ennemis. Il déclenche immédiatement son appareil. Au centre du cadre, elle a tout d'une martyre, cette femme qu'on voit crâne tondu, front marqué de deux cercles au fer rouge, en blouse et chaussons d'intérieur, elle est à garde. Une demi-heure plus tard, Robert Capa retrouve cette même femme dans la cour de la préfecture, accompagnée cette fois d'un nourrisson, de sa mère tondue elle aussi, son père et un petit baluchon. Il l'interroge. Elle s'appelle Simone Touzeau, elle a 23 ans. Le matin, après avoir été tondue, elle a supplié les résistants qu'on la raccompagne chez elle pour allaiter son enfant d'à peine 3 mois. Elle le serre désormais contre sa poitrine. Le contraste est saisissant. Capa le sait, il tient son sujet. À partir de ce moment-là, son viseur ne la quittera plus. Dehors, la foule commence à converger vers les grilles de la préfecture, ivre d'espoir et de joie. Parmi elles, Monique, 9 ans à l'époque. Pour moi, la foule est énorme. Tout le monde est très heureux. Les Américains nous disaient de repartir, de ne pas rester là parce qu'il y avait encore 3 Allemands dans le clocher de la cathédrale. Mais les gens étaient inconscients du danger. Une dame est arrivée avec un plateau et du champagne. Nous, on a écouté les conseils des Américains, on est rentré à la maison. La procession qui amène la tondue, ce doit être l'après-midi. 16 août 1944, 16h. Les GI, épaulés par une petite centaine de combattants FFI, sont enfin venus à bout des résistances allemandes dans Chartres. Désarmés, ils sont amenés eux aussi vers la cour d'honneur de la préfecture, visible depuis la rue. Dehors, la foule est revenue et commence à s'agglutiner devant les grilles fermées, ivre de vengeance, cette fois. Les portes s'ouvrent, enfin. Les tondus ouvrent le cortège. Ce sont elles qu'on est venu voir de près, des crachats plein la bouche. Emporté par la foule, Robert Capa suit toujours de très près Simone Touzeau, la femme à l'enfant, et sa famille, celle que vous voyez sur la photo en ce moment. Une escorte policière est chargée de les ramener chez eux, 700 mètres à travers la ville et la vindicte populaire à parcourir. Et autant dire qu'ils sont tous là. C'est même Chartres au grand complet, avec ses enfants, ses familards et ses hommes moqueurs. Un reporter aguerri n'a pas réussi à s'extraire de la cohue. Il court se placer en avant de la procession, se plante au milieu de la chaussée pavée, rue de Cheval Blanc, et règle son contact. Lorsque la troupe qui avance d'un pas rapide arrive sur lui, il actionne le déclencheur, fixant pour l'éternité la tondue de Chartres. Jacqueline, 20 ans à l'époque, était là elle aussi, tout sourire, au milieu de la foule. Quand nous avons entendu parler des tondues qu'il y avait à la préfecture, ma sœur et moi sommes sortis pour voir. Mon père voulait que nous restions à la maison, mais rien à faire, nous y sommes allés quand même. Si je souris sur la photo, bien sûr que je souris. Cette femme, je ne sais pas d'où elle sortait, Mais enfin, on savait bien que les tondus, c'était bien affiche en l'air. Pris au grand angle, le cliché de Robert Capa englobe tous les acteurs du drame en un seul tableau. Et la composition est parfaite. Regardez au centre, Simone Touzeau, bébé au bras, escortée par un policier casqué. Elle semble prise en tenaille entre les deux branches d'un grand V. L'une sur la gauche est formée par quatre femmes qui avancent, le regard focalisé sur elle. À droite, au premier plan, Georges Touzeau, son père, reconnaissable à son béret et au gros baluchon qu'il porte. Il a les yeux baissés, le pas ample, comme pressé de sortir du cadre et de cette histoire qui n'est pas la sienne. Derrière lui, on distingue Germaine, son épouse, tondue elle aussi, et un autre policier, hilar, cigarette à la main. Et puis regardez au second plan, il y a l'immense foule des chartrains en liesse venus assister à cette marche honteuse. Au-dessus d'eux, au sommet de la pointe du V, flotte un drapeau français, symbole de la libération récente de la ville et point d'orgue de la composition de Capa. En regardant cette photo, l'attention est autant attirée par le crâne rasé de Simone que par la tête chevelue de son nourrisson. À la fois isolée et cernée, sa mère l'enserre contre sa poitrine, les yeux rivés sur lui comme absente aux autres regards posés sur elle, là, seule, au milieu de la cohue. La tondue de Chartres s'inscrit alors dans la lignée de représentations chrétiennes de la Vierge à l'enfant, une madone par qui le malheur est arrivé. Mais que reproche-t-on exactement à la famille Touzeau et à Simone? Qui est-elle? A-t-elle le crâne rasibus, comme le chantait Georges Brassens, à cause de son penchant prononcé pour les Ichlibelich? Ou ce traitement lui a-t-il été infligé pour d'autres formes de collaboration? La belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tondu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les Ichlibedich, pour les Ichlibedich, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiches. Les braves sans culotte et les bonnets phrygiens et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur. Une femme collaborationniste portant un bébé. Elle est suivie par une foule injurieuse après qu'on lui a tondu la tête. À travers le pays, les Français, remplis d'exaltation patriotique, ont envahi les rues pavées, suspendu des drapeaux tricolores auparavant cachés, puni les collaborateurs, harcelé les Allemands. Dans son édition du 4 septembre 1944, Life Magazine publie un dossier de 4 pages sur la libération de Chartres. L'article est illustré par cette photo prise par le jeune reporter américain Ralph Morse et son célèbre acolyte Robert Capa. L'une de ces 7 photos, celle qui nous intéresse, a été prise 18 jours plus tôt, le 16 août 1944. Elle s'intitule « La tondue de Chartres dans la rue du Cheval Blanc », légendée ainsi que vous venez de l'entendre. Après-guerre, cette photo connaît une célébrité grandissante et fait peu à peu de sa principale protagoniste, Simone Touzeau, une icône des victimes de l'épuration sauvage. Mais dans le même temps, son identité et son histoire s'enfoncent dans l'oubli, comme celle de la plupart des tondus et de leurs bourreaux. On a préféré retenir la liesse de la libération et ses héros. Du reste, on n'en a plus parlé. Le traumatisme était trop fort, comme pour Madeleine par exemple, interviewée en 2007 dans le documentaire « Tondu en 44 », réalisé par Jean-Pierre Carlon. J'avais 21 ans, ça m'a quand même brisé la vie, c'est vrai. À briser l'œil. J'ai rencontré Siegfried Wolf. Bon, ben, j'ai eu que des embêtements. J'avais rien fait. Hein. Absolument rien contre ma patrie, contre rien du tout. J'avais rien fait. Ça me traumatise. Je préfère pas en parler ou remarquer. En famille, on n'en parle jamais. Mais c'est pénible quand même. Vous savez, c'est des trucs. Il faudra attendre 35 ans pour que les premières recherches sur Simone Touzeau, la plus célèbre des tondus, aient lieu. Et près de 70 ans pour que les historiens Philippe Frétinier et Gérard Leray livrent les derniers mystères de cette histoire. Retour sur l'histoire d'un amour, d'une femme, d'une famille, celle aussi d'un véritable village français, comme dans la série du même nom. Ce retour nous emmène en 1925. La famille Touzeau achète une crèmerie au cœur du quartier commerçant de Chartres, une affaire florissante qui commence pourtant à péricliter à la fin des années 30, victime de la crise générale. En 36, c'est la faillite. Georges, le père, trouve alors un emploi de manœuvre. Germaine, son épouse au caractère revêche, et Simone, sa cadette, supporte mal ce déclassement social vécu comme une humiliation. Alors, elles en veulent à tous ceux qui viennent de prendre le pouvoir, ces bolcheviks du Front Populaire menés par Léon Blum. À 15 ans, Simone est une ado sérieuse, douée et ambitieuse. Malgré les difficultés financières, sa famille la pousse jusqu'au bac, itinéraire rare pour une fille à l'époque. Mais on la dit aussi orgueilleuse, arrogante. Elle choque d'ailleurs ses camarades de classe en dévoilant sa fascination pour le national-socialisme mis en œuvre en Allemagne. Parce que voyez-vous, elle y voit un modèle de relance économique, un espoir pour tous ceux qui ont été ruinés par la crise. Il nous faudra un type comme Hitler en France, répète-t-elle à qui veut l'entendre. Français, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures. Après la défaite de l'armée française en 1940, les Allemands occupent Chartres. C'est le début des restrictions et des années noires. Simone, elle, exulte. Un an plus tard, à l'été 41, elle décroche son bac et court se présenter à la Feldkommandantur, principale unité militaire d'occupation. Germanophone, elle obtient facilement un premier boulot d'interprète dans les services administratifs. Et c'est dans ce cadre qu'elle rencontre Erich Goese, soldat de la Wehrmacht, celui qu'elle appellera bientôt son fiancé. Erich, bibliothécaire dans le civil, est alors responsable de la librairie allemande de Chartres. Simone fréquente assidûment les lieux. Les deux jeunes gens tombent amoureux et deviennent inséparables. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde, évidemment. Lorsque les riverains croisent la jeune femme paradant au bras de son chleu, les insultes fusent. Mais Simone n'en a que faire et leur lance sur un air menaçant. Un jour, vous verrez, vous le regretterez. Elle a confiance en l'avenir, Simone, et en son couple d'ailleurs. Erich est régulièrement invité à la table familiale. Un peu trop garni pour être honnête, selon les voisins. À l'époque, Chartres est une petite ville de province dont tout le monde s'épie. À l'image d'Odile, interrogée le 25 septembre 1945 par un magistrat dans le cadre de l'affaire Touzeau. On entendait tout sans avoir besoin de prêter l'oreille. J'entendais la fille Touzeau qui venait voir son Allemand, qui tenait la librairie et qui causait allemand avec lui. J'entendais aussi les bruits des baisers et tous les autres bruits que peuvent faire les amoureux. Sa mère venait aussi et recommandait à l'Allemand de prendre soin de sa fille parce qu'elle était jeune. Au cours de l'année 42, Simone Touzeau fait la rencontre d'Ella Amersidmeyer, secrétaire interprète comme elle. C'était une jeune Suissesse allemande, militante pro-nazie, enceinte d'un officier allemand de Chartres. Elle propose à Simone de la remplacer le temps de sa grossesse au service de recrutement pour le travail en Allemagne, un boulot mieux payé. Simone accepte, mais il restera finalement que 3 mois. Elle évoque des problèmes avec son chef. En réalité, elle supporte mal le départ récent de son fiancé Erich, envoyé sur le front soviétique. Ils s'écrivent régulièrement des lettres, mais la séparation est douloureuse pour le couple. Effectivement, sur le front, les revers militaires allemands s'accumulent. Le 31 janvier 1943, la reddition de la 6e armée de la Wehrmacht du maréchal Paulus à Stalingrad marque un tournant de la guerre. À Chartres, la nouvelle résonne comme un coup de tonnerre pour les partisans du régime de Vichy qui multiplient les arrestations. Le 24 février, une rafle a lieu. 5 hommes, soupçonnés d'écouter la radio anglaise, en sont victimes. Simone Touzeau, elle, a retrouvé un travail de secrétaire interprète au sein de la CIPO-SD, l'instrument de surveillance du régime nazi. Avec sa mère, elle continue aussi de fréquenter Ella Amersidmeyer, une amie désormais qui les introduit dans le cercle très fermé des officiers allemands. Et Simone ne s'arrête pas là. 4 jours après la rafle du 24 février 1943, elle adhère au Parti populaire français, fondé par Jacques Doriot, dont le discours est sans équivoque. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France, c'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. La possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres, nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le legs que nous voulons faire. Bonjour, Dimitri. Ce discours d'inspiration nazie fascine Simone. De plus, les adhérents du PPF sont prioritaires pour obtenir un permis de travail en Allemagne. Depuis le départ de son fiancé, Simone ne pense qu'à le rejoindre. Et les choses s'accélèrent à l'été 43 quand elle reçoit une lettre lui informant qu'Erich a été grièvement blessé en Russie, rapatrié à Munich. Aussitôt, Simone démissionne et se porte volontaire pour travailler en Bavière. Elle est affectée à un poste de dessinatrice industrielle à la BMW. Oh, pas vraiment ce qu'elle imaginait, mais qu'importe, le week-end elle retrouve Erich dans son hôpital militaire. Et quelques semaines plus tard, elle tombe enceinte. Un immense bonheur pour tous les deux. Sauf que les autorités allemandes interdisent formellement les relations avec les travailleurs étrangers. Alors Simone est expulsée et c'est retour à Chartres où le cauchemar commence. En apprenant sa grossesse, son père, pourtant si passif, d'habitude est pris d'un coup de folie et tente de l'étrangler. Dès lors, la jeune femme vit cloîtrée dans sa chambre. Elle accouche finalement le 23 mai 1944 à l'Hôtel Dieu de Chartres. De ce côté, Erich est retourné sur le front russe. Mais il meurt en Biélorussie le 8 juillet 1944, sans jamais avoir su que son enfant était une fille. Eh bien c'est elle, ce nourrisson de 3 mois que vous voyez là sur la photo, qu'on retrouve le jour de la libération dans les bras de Simone, la tondue de Robert Capa. Mais dans les jours qui suivent la publication de cette photo, une autre vérité va jaillir. Simone est accusée d'un crime bien plus grave que d'avoir aimé un soldat allemand. Le 20 août 1944, les femmes Touzeau sont convoquées au commissariat de Chartres. Elles sont accusées d'avoir dénoncé en février 1943 les 5 Chartrains raflés pour avoir écouté la radio anglaise. Tous étaient leurs voisins. 4 ont été déportés à Mauthausen, dans l'actuelle Autriche, et seulement 2 en reviendront. Pour eux, comme pour les familles du voisinage, il est absolument certain que ce sont la mère et la fille Touzeau qui ont dénoncé ce qu'elles nient. Et elles rejettent la faute sur leur grande amie, Ella Amersidmeyer. En témoigne cet extrait du procès-verbal de l'audition de Simone. Ce n'est pas moi, ni ma mère, qui avons dénoncé les voisins qui ont été obligés de partir en Allemagne. L'auteur des dénonciations, c'est Madame Amersidmeyer, que nous connaissions puisqu'elle était notre voisine. Je me souviens parfaitement qu'elle nous a déclaré un jour « Je suis bien contente car je suis débarrassée des gens qui ne m'appelleront plus ni espionne ni boche. » Malgré leur dénégation, le préfet ordonne l'incarcération de Simone et Germaine Touzeau à la prison de Chartres. Elles y resteront 18 mois jusqu'en novembre 1946. Le jour de leur procès, le temps a fait son œuvre. Les passions se sont estompées et la cour de justice d'Eure-et-Loire a cessé de fonctionner. Elles sont donc jugées à Paris, loin de Chartres, au milieu de milliers d'autres affaires. C'est l'heure de l'épuration légale. Les cours de justice tournent à plein régime. Alors au milieu de ces grands procès, celui de Pétain, celui de Laval, évidemment, l'affaire Touzeau passe quasiment inaperçue. Et le 28 novembre 1946, le parquet prononce un non-lieu. Les preuves apportées par l'accusation sont insuffisantes. Simone et Germaine sont libérées. Mais la tondue de Chartres n'en a pas fini avec la justice. Elle doit désormais répondre seule devant le tribunal civil, cette fois, pour avoir couché avec l'ennemi. Rapidement jugée, elle est condamnée à la dégradation nationale et perd ainsi la possibilité de travailler dans le secteur public. De plus, elle est déchue de son droit de vote au moment même où les femmes françaises l'obtiennent enfin. Faute de moyens, la famille Touzeau, grand complet, retourne s'installer à Chartres. Mais pour les familles déportées, la mémoire ne s'efface pas aussi rapidement. Non, pour elles, Simone et Germaine n'ont pas assez payé. Acculées, les Touzeau finissent par quitter Chartres et se réfugient à 40 km de là, à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Pendant plusieurs années, elles parviennent à faire oublier leur passé honteux. En novembre 1954, Simone, 33 ans, épouse un comptable avec qui elle a deux enfants élevés avec sa première fille, celle des riches. Mais encore une fois, la rumeur la rattrape. Simone, employée dans la pharmacie, aurait été une collabo. Rejetée par tous, la jeune femme perd son emploi, sombre dans l'alcool et la dépression. Et son mari finit par la quitter, emportant avec lui leurs deux enfants. Le 21 février 1966, à l'âge de 44 ans, Simone meurt toute seule à l'Hôtel-Dieu de Chartres, dans ce même lieu où, 22 ans plus tôt, elle avait donné naissance à sa fille, désormais orpheline. Cette petite fille est aujourd'hui une femme de 77 ans. Née d'une mère qui a trahi sa patrie et d'un père ennemi, elle a porté toute sa vie ce douloureux héritage. Elle connaît son histoire, mais elle a effacé toute trace du passé, brûlé toutes les lettres qu'échangeaient ses parents. Ses proches, ses enfants, ne savent rien de ce qui s'est passé pendant ce 16 août 1944. Le tabou est resté, on n'en parle pas. Peut-être voulait-elle protéger la mémoire de sa mère, taire aussi sa propre douleur. Sur la photo de Robert Capa, elle est une autre victime. Les châtiments infligés aux femmes n'ont pas épargné leurs enfants, ces bâtards de boche, humiliés pour être nés dans le camp des vaincus. Simone Touzeau est enterrée à Mainvilliers, dans la banlieue de Chartres, sous la même dalle que sa sœur, à quelques rangées de leurs parents. Il n'y a plus personne pour fleurir sa tombe. Mais dans la mémoire collective, elle restera pour toujours l'icône des tondus de la libération, celle pour qui le poète Paul Éluard écrivit le plus beau des épitaphes. Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. La victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronnée, défigurée. Celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet, et couverte du noir crachat des ténèbres. Il paraît qu'arrivé à l'heure de son dernier couteau, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Est-ce bien sûr ? Un visage grimace, c'était celui d'un ange. Maintenant il m'agace, toujours il me dérange. On dirait qu'il coasse au cœur de ma cervelle, qu'il me tente une glace, et je n'y suis pas belle. Moi, je lui ris au nez, mais il ne m'entend pas. Il n'a pas de nez, il n'a même pas de bras. Mais pourtant chaque nuit, on dirait qu'il m'étrangle, les doigts couverts de suie, il me tire la langue. langue. Et j'ai beau me redire, je ne regrette rien, ni le bien ni le pire, il n'entend rien de rien. Et toujours cette danse, tout autour de mon lit, les souvenirs en cadence ne sont pas démolis. Un visage rifagne au cœur de la surface, c'est une fleur de hargne qu'il faudra que j'efface. Du fond des marécages, sans cesse il ressurgit pour recouvrir ma cage d'aquatique lacie. Et moi, je n'endors plus, même en fermant les yeux, même quand j'ai trop bu. Tout est déjà si vieux. Mais de quoi ai-je peur, puisqu'il ne m'entend pas? Il rigole et il pleure, fait les deux à la fois, mais toujours il revient. Nom de nom, c'est bien lui. Attends demain matin, il reviendra aussi. Un visage grimace, c'était celui d'un ange. Maintenant il m'agace, toujours il me dérange. On dirait qu'il coasse au cœur de ma cervelle, qu'il me tend une glace. Je n'y suis pas belle. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la tondue de Chartres, dont nous allons parler avec notre invité, Fabrice Virgili. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Parfait. Historien et directeur de recherche au CNRS, vous êtes l'auteur notamment de La France virile, des femmes tondues à la libération, paru en 2000 aux éditions Payot. On peut citer aussi, parmi l'ensemble de votre travail, Les Françaises, les Français et l'épuration de 1940 à nos jours, coécrit avec François Rouquet chez Gallimard en 2018. Je suis interpellé par ce titre de La France virile. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers la France virile et cette histoire d'épuration ? Eh bien, cette particularité d'un châtiment qui est réservé aux femmes, autant l'évidence de l'épuration s'impose après 4 années de guerre, d'occupation, de rafles, vous l'avez rappelé, de déportation, d'humiliation permanente. Et la nécessité finalement de s'en prendre à celles et ceux qui vous ont imposé cela pendant ces 4 longues années d'occupation, partout en Europe, est une évidence des années 44-45. Ce qui est moins évident, et ce qui demandait à être expliqué, c'est pourquoi finalement un châtiment spécifique est réservé aux femmes, qui n'est pas à la place d'eux, mais qui est bien en plus d'eux. Mmh. On est tondu et emprisonné, on peut être tondu et fusillé. Dans certains cas, on est tondu et libéré. Est-ce que ça veut dire que trahir, c'est pas bien, évidemment, c'est moins qu'on puisse dire. Quand on est une femme, c'est pire. C'est ça que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand on est une femme, on a du mal à penser à cette époque-là la trahison pour les mêmes motifs que la trahison d'un homme, c'est-à-dire pour des raisons politiques, mmh. et qu'il y a une manière de le penser à travers le corps. C'est-à-dire, c'est pas une trahison de la pensée, ça serait une trahison du corps, parce que l'imaginaire de l'engagement des femmes à ce moment-là est celui-là, et donc on va les punir sur leur corps. Et on va les punir par ce qui est une sorte de simulacre d'exécution, qui est la tonte, puisque c'est quand même sur la tête que ça se fait, mais on vise quoi ? On vise ce qui est considéré comme un des atouts de la séduction, pardon, une des armes de la séduction. Et on va tondre ces femmes pour leur retirer ça, quels que soient finalement les faits qu'elles ont commis, et c'est ça qui est important. La tonte n'est pas le châtiment d'une relation sexuelle, c'est le châtiment de la collaboration parce qu'on est une femme. Et ça, c'est vrai dans toute l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une justice imposée par les hommes. Sans aucun doute. D'où la France virile. Sans aucun doute. Alors pourquoi la France virile ? Il y a un élément particulier, propre à la France, c'est que la défaite de 40 a été d'une telle ampleur. Je vous rappelle, en 5 semaines, l'armée française est balayée. Et puis, au-delà de l'armée française, le pouvoir politique s'effondre. C'est un pays entier qui s'effondre. Un pays qui se pensait une, si ce n'est la plus grande puissance mondiale. Surtout après la Première Guerre. Mais il y avait cette affiche sur les murs des villes de France en 39-40. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Mmh. Et cette armée s'effondre. Et qui c'est cette armée ? Ce sont quand même les hommes français dont c'est le devoir depuis la Révolution française. ils viendront jusque dans nos bras égorger nos fils, nos compagnes. Mmh. Et le devoir des hommes français, depuis qu'ils sont citoyens politiques, c'est d'empêcher cela. Et en 40, non seulement ils ne l'empêchent pas, mais ils ne l'empêchent pas en se faisant totalement humilier d'une certaine manière, en tant qu'hommes. Ils n'ont pas rempli leur devoir. Bien sûr. Et en 44, un des enjeux, c'est bien sûr de libérer le pays, de vaincre l'ennemi, de châtier les collabos, mais c'est aussi de retrouver une sorte de fierté masculine, virile. Hein. Mmh. Et cette violence en est aussi un des signes, au moment justement où les femmes acquièrent le droit de vote. Oui, c'est-à-dire au moment où elles deviennent citoyennes. Donc les hommes, non seulement ne sont plus les seuls à être citoyens, ils doivent partager la citoyenneté avec les femmes, mais en plus, à un moment où, 4 ans auparavant, ils ont montré leur incapacité à défendre le pays comme c'était leur devoir. C'était au nom de ça, c'est au nom de ce prix du sang qu'ils avaient le vote et le pouvoir politique. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher de penser d'être révolté, à savoir que des femmes peuvent être tondues parce qu'elles ont couché avec un Allemand, parce que parfois elles n'ont pas fait que coucher, elles ont une vraie relation. On ne peut pas mettre ça effectivement sur un pied d'égalité avec les dénonciations de juifs de la part de voisins, avec les collabos qui envoient des gens en camp de concentration. Il y a une différence de gravité tout de même. Elle est évidente. Bien entendu, et elle est d'ailleurs mesurée à l'époque, il y a une différence. Mais le temps de la libération, ce n'est pas une journée, ce n'est pas le 16 août. S'inscrit sur plusieurs mois et ça commence avant même la libération. C'est-à-dire que l'idée qu'il va falloir punir les traîtres, qu'ils soient hommes ou femmes. Et au moment où la France se libère, il y a une sorte d'urgence. Tout ce qui est prévu, c'est-à-dire les tribunaux d'exception, que sont les cours de justice, les chambres civiques et la haute cour de justice, devant laquelle passera Pétain ou Laval, doit être mis en place. Mais ça prend un peu de temps. Il faut instruire ces affaires. Il faut remplir les dossiers. Et donc les premières juridictions vont commencer à fonctionner. La première, c'est en septembre, 11 septembre à Marseille. Et puis les autres, département par département. Mais est-ce que vous pensez qu'une population qui pendant 4 ans a subi l'occupation va se dire tranquillement le 16 août, eh bien oui, nous allons attendre mi-octobre pour pouvoir commencer à nous occuper des traites. C'est impensable. Nous sommes bien d'accord. Donc il y a à la fois les combats qui se poursuivent, et au sein de ces combats, cette volonté d'en découdre. Vous avez repris l'expression « règlement de compte », mais j'aime souvent dire qu'il y a des comptes à régler. C'est-à-dire qu'il y a 4 années d'occupation. Ah oui, il y a des comptes à solder, chaque regard, c'est clair. Voilà. Et donc ce moment-là, c'est aussi ça. Et avec une urgence qui fait effectivement, il y a toutes sortes de violences qui sont commises. Alors, je voudrais comme juste atténuer la question. Le viol ne fait pas partie de ces violences. Dans ces violences contre les femmes, il y a un élément important qui est... Quoi, il est marginal, le viol, là, dans ce contexte-là du point de vue de l'épuration, sans aucun doute. D'accord. On peut en repérer quelques pratiques, mais à aucun moment... Enfin, ce serait faux de penser que cette violence-là conduit au viol. Pourquoi ? Parce que l'enjeu aussi, c'est que tout le monde puisse se retrouver, que la communauté, dans tous les sens du terme, locale, celle du quartier, de la ville, du pays, puisse se retrouver au moment de châtier les traîtres, de les punir. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voit ces enfants sur la photo, ces femmes, ces personnes âgées de tout âge qui sont là, autour de l'attendu à l'insulter, lui cracher dessus, etc. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Il faut qu'il y ait cette communion contre ces femmes-là et contre les autres collaborateurs également. Et le viol serait un cran supplémentaire dans la violence qui ne permettrait pas cela, parce qu'on ne violerait pas une femme devant des enfants ou des femmes. Donc il y a cette dimension qui est importante. On vient punir, mais on vient punir ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ces photos partout en France où on voit pour en attester, tout le monde qui est là. Bien sûr. On va écouter un nouvel extrait du témoignage émouvant de Mandoline. On a passé un extrait tout à l'heure, donc tondu à la libération. Ce témoignage a été diffusé dans l'émission Là-bas si j'y suis, sur France Inter, donc c'était le 7 janvier 2002. Ah ben je me rappelle, oui, parce qu'ils nous jetaient des pierres grosses comme ça. La marée chaussée nous a accompagnés jusqu'en haut, comme si on allait à l'échafaud. Alors ils nous ont mis sur une chaise, et puis avec la tondeuse, hop. Et puis, il y avait toute la foule qui était là, qui hurlait « sale poche, salope ». J'ai pleuré, mais ils n'ont pas vu quand j'étais comme ça et que je voyais mes cheveux qui tombaient. Et quand on passe là, dans ce village, dans ce pays-là, eh bien, moi, je regarde pas. Voilà, je préfère pas. Ah oui, ben oui, bébé, mets-toi ma place. Thank you. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Par la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne. Fabrice Vergili, parlons du jugement rendu par le tribunal civil, qui est une sorte de tribunal de la morale aussi, hein, et de la moralité. Alors, ça apparaît comme ça, parce qu'en fait, les cours de justice et les chambres civiques, en fait, c'est la même juridiction. La différence, justement, c'est cette nuance qui est faite, et c'est une nuance d'importance, qu'on ne peut pas condamner tout le monde au nom de l'article 75 d'avant-guerre, qui est l'article qui punit la trahison. Et donc, il y a toute cette collaboration qui ne pèse pas réellement sur le cours de la guerre, qui est plus une collaboration de comportement, d'avoir perdu l'espoir de la libération, de s'être finalement accommodé de la victoire et de la victoire allemande et de l'occupation. Comment punir ces gens-là? Et il y a une sorte d'invention judiciaire qui n'est pas vraiment une invention, puisque l'idée en remonte, Anne Simonin, l'historienne Anne Simonin l'a bien montré à la Révolution française même, d'exclure de la citoyenneté. C'est-à-dire des gens qui ont été indignes, ouais. On va les exclure de la citoyenneté. Et donc, les chambres civiques, qui sont chaque fois rattachées à la Cour de justice, sont là pour juger toute cette collaboration ordinaire qui ne mérite pas une peine privative de liberté. Donc, quand la Cour de justice dit, vu le dossier que nous avons, nous ne pouvons pas condamner les Touzeaux à la prison, il ne dit pas qu'elles n'ont rien fait, elle dit que ce qu'elles ont fait n'est pas du ressort de la trahison, mais de l'aide indirecte à l'Allemagne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une gradation. C'est pour l'aide indirecte à l'Allemagne qu'elle va être condamnée à 10 ans de dégradation nationale, sans interdiction de séjour, ce qui lui permet de retourner à Chartres, parce que souvent, cette peine est accompagnée de l'interdiction de séjour, ni d'amende ou de confiscation des biens, qui est une autre peine qui peut être prononcée par les chambres civiques. Mais là, ce n'est pas son cas. Et le paradoxe, c'est que cette condamnation a lieu le 8 mars 1947, journée internationale des femmes. Mais on peut imaginer que Simone Touzeaux ne le savait pas, ni ses juges à ce moment-là. Cette journée de la femme qui remonte à l'année 1911, je crois. Oui, 1910-1911. Oui. Les prostituées, alors c'est un cas particulier, parce que après tout, elles ont pu avoir des relations sexuelles avec des Allemands, parce que c'était leur métier. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on en a fait des prostituées dans cette thématique? En général, on peut, vu le phénomène massif quand même, il ne faut pas oublier de dire que 20 000 femmes qui sont tondues, c'est beaucoup. Mm-hmm. Donc on a forcément des exceptions. Mais globalement, il y a une indulgence vis-à-vis des prostituées. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on est dans un système en France, jusqu'en 1945, de prostitution réglementée, encartée, officielle, pourrait-on dire. Et la collaboration entre la France et l'Allemagne est aussi une collaboration sexuelle concernant la prostitution. Ce sont les médecins allemands et la police française qui, ensemble, vont continuer à contrôler sanitairement et policièrement les prostituées pour que la France puisse fournir à l'armée d'occupation des prostituées qui ne seraient pas contaminées. Il y a une grande crainte dans toutes les armées du péril vénérien parce que ça vous met les hommes hors de combat. Jacques Brel l'a bien chanté. Voilà. Donc il y a vraiment cette collaboration aussi en ce qui concerne les prostituées. Donc les femmes qui étaient prostituées et qui ont eu des relations avec les Allemands parce que elles étaient dans les maisons closes, on considère qu'elles n'avaient pas le choix, elles n'ont pas été volontaires, et donc, en général, elles ne sont pas particulièrement poursuivies. Et c'est à l'inverse, les maisons closes qui, elles, sont fermées, c'est la fameuse loi Martrichard. Oui. Donc, un des arguments, ce n'est pas le seul, hein, c'est de supprimer une institution qui, quand même, opprime les femmes. Mmh. Et l'autre, c'est les relations un peu trop favorables entre beaucoup de tenancières et de macros, proxénètes avec l'armée d'occupation. 20 000 femmes tondues, c'est le chiffre qu'on retient. Alors à peu près, est-ce qu'on sait, c'est plus difficile, le nombre de femmes, proportion de femmes qui auraient eu des relations avec des Allemands, enfin, qu'elles soient célibataires ou non d'ailleurs, à travers cette France occupée, et qui n'ont pas été forcément tondues? Alors largement plus, largement plus, parce que j'ai travaillé sur les enfants nés de couple franco-allemand. Mm. Il faut dire que cette photo est emblématique parce qu'on voit un bébé. Mais en général, l'enfant, le bébé, est totalement absent du moment de l'épuration. Mm. Par contre, ça ne veut pas dire que sa vie sera simple par la suite. Hein, et on le voit parce qu'il y a ce père inconnu, ce père soldat allemand. Déjà, ça fait pas forcément très bien de dire « mon père était un soldat allemand, il a occupé la France ». Mais en dehors de ça, ces enfants souvent ne l'ont pas su parce que c'était là aussi un secret de famille où ils le savaient, ils s'en doutaient, mais on ne le disait pas. Et là, le nombre d'enfants nés de ces relations, je l'avais évalué. Alors c'est difficile d'être précis sur des choses comme ça parce que à l'époque même, c'est pas forcément précisément compté, mais autour de 100 000. Donc 100 000 enfants, c'est forcément au moins 100 000 relations et on peut imaginer qu'il y en a eu bien plus également. Donc oui, ces relations sont très nombreuses. Eh bien, merci Fabrice Virgili pour tous ces éclairages que vous nous apportez sur cette période très particulière de notre histoire. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la tondue de Chartres, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter, franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires à la technique aujourd'hui, il y avait Antoine Cruchon. Merci à toute l'équipe, puisque nous sommes vendredi, qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Vincent Lebrun, Adrien Cara et Jean Bulot. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelecoy, Nguyen et Benjamin Riquet. Suivre sur France Inter, pop, bien sûr, avec Antoine Decaune pour une spéciale grand maître aujourd'hui, spéciale McCartney, à l'occasion, bien sûr, de la sortie de McCartney 3. France Inter présente le livre Affaires Sensibles de Fabrice Drouel. Explorer 25 histoires qui ont marqué ces 50 dernières années, le match de football entre la RFA et la RDA, la traque de Klaus Barbie ou encore l'affaire Jacqueline Sauvage. Affaires Sensibles, un livre France Inter.